fait maintenant 3 ans que t'es parti, sans laisser d'adresse, si ce n'est que je sais que tu serais dans un petit coin de paradis. Paraît que t'as trouvé la paix là-bas, loin des soucis, à l'écart du stress, tu tapes le carton avec Bob Marley et Jimmy. Y'a pas un jour sans que je pense à toi, boy, je le confesse, j'ai attrapé une bouée pour pas me noyer dans la tristesse. Ce qu'on a partagé s'est transformé en richesse, un trésor où je vais puiser dès que les mauvaises ondes apparaissent. Comme les deux faces d'une même pièce, oh j'ai tant de souvenirs, les folies de la jeunesse, les concerts et les fous rires, des wagons de bons délires. C'est juste une chanson pour mon brother, mon frère de son et de cœur. Un hommage à un mec qui restera à jamais mon partner. Je viens pas jouer les chialeurs, juste ramener de la chaleur. Raviver ta mémoire, que ton esprit revive à toute heure. I say peace to my brother, hey. Peace, peace to my brother. Peace to my brother. Il est acquis que le temps adoucit les chagrins et les peines comme la caresse d'une belle mélodie. Je pouvais rester au fond dans le trou mais j'en suis sorti. Mon tout back yes, donc j'ai opté direct pour la musicothérapie. Une mélopée reggae pour retrouver la saveur du dog groove à l'ancienne dont t'étais le skipper. Ma voix s'élève vers le ciel, je suis comme en apesanteur. Je peux sentir ta présence refrain comme les deux faces d'une même pièce. Oh j'ai tant de souvenirs, de la jeunesse, les concerts et les fous rires, des wagons de bons délires. C'est juste une chanson pour mon brother, mon frère de son et de cœur. Un hommage à un mec qui restera à jamais mon partner. Je viens pas jouer les chialeurs, juste ramener de la chaleur. Raviver ta mémoire, que ton esprit revive à toute heure. I said peace to my brother, hey. Peace, peace to my brother. Peace to my brother. La sélection, on va faire un morceau qui s'appelle J'ai pas sommeil. Non, j'ai pas sommeil, t'es des max. Spécial dédicace, donc il lance même de Sergé. Vamos muchacho. Yapa. Go back in. Peace to my brother. Good vibes. Big up yourself. Big up. Peace to my brother. United. Merci, bonsoir.